Ah oui, alors juste vous annoncer que la prochaine séance sera une journée d'études et ça sera consacrée aux deux ou trois numéros que la revue Illusio a produit et sur la théorie critique. Donc l'école de Francfort et ce sera donc toute une journée, c'est le 23 juin à l'amphithéâtre, de 9h à 10h. C'est bien. Oui. Donc, un très bref mot d'introduction à cette séance. Comme beaucoup d'entre vous le savent, il est né dans ce séminaire politique des sciences, il y a maintenant peut-être 2 ans, une initiative qui est devenue un groupe de travail et qui est devenue une sorte de programme de recherche, c'est un bien grand mot, c'est pas financé, mais c'est plein d'énergie et de créativité, comme vous allez le constater. Ça s'appelle « Qui gouverne la science ?» et c'est un groupe de chercheurs dont, en gros, la composition, vous la trouvez dans cette rubrique « Base de données », c'est tous ceux qui ont contribué à constituer une base de données des personnels qui peuplent les institutions en charge du gouvernement de la recherche et de l'université à l'échelle nationale dans ce pays. On s'est dit, au fond, au moment où nous avons pris cette initiative, qu'une des choses qu'on savait un peu faire, c'est de la science, justement, et notamment des sciences sociales, et qu'après tout, pour comprendre les réformes en cours, une voie possible, pas inintéressante, serait de travailler sur ceux qui les promeuvent et les institutions dans lesquelles ils travaillent. D'où la constitution progressive d'une base de données assez importante. J'ai oublié, je dois vous avouer, les ordres de grandeur, mais on a des dizaines et des dizaines d'institutions dont nous avons cherché à saisir les personnels à 3 moments distincts, de façon à pouvoir travailler sur leur évolution. Juste au moment du pacte pour la recherche, donc une coupe en 2005-2006, juste au moment ensuite des réformes Sarkozy-Pécresse, une coupe en 2009-2010, et enfin une troisième coupe à l'époque qui fut celle de Mme Fioraso sous la présidence de M. Hollande, donc 2012-2013. Et puis, nous avons rentré peu à peu les noms, des listes de noms, des personnels qui peuplent ces institutions. Alors aujourd'hui, c'est deux familles de résultats qu'on va vous présenter successivement. J'annonce déjà celle qui suivra. C'est un travail fait sur le secteur. Ah oui, une précision quand même importante. Nous n'avons pas tout fait. C'est trop pour nos faibles forces. Nous avons travaillé sur deux grands secteurs scientifiques. D'une part, les sciences humaines et sociales, et d'autre part, les sciences de la vie. Les sciences de la vie ou biologie santé, selon un autre vocabulaire. Et c'est sur ce second secteur que, tout à l'heure, va vous être présenté un exposé qui va travailler sur les évolutions, on pourrait dire structurales, des rapports, des relations entre les différentes institutions aux trois étapes que je viens d'indiquer. Hein, c'est effectivement un travail à une échelle très vaste et qui repose pour l'essentiel sur l'analyse de réseau et qui n'a pas besoin de rentrer très loin dans les biographies des individus. En revanche, ce que Joël Lallier et moi-même, Christian Topalov, allons vous présenter maintenant, c'est un travail à une autre échelle qui repose sur une collecte de curriculum vitae de personnes. Alors, quelles personnes ? Nous avons choisi de travailler sur ce que nous appelons les organisateurs de l'évaluation en sciences humaines et sociales. Dans un instant, en rentrant dans l'exposé, je vais vous dire ce que nous entendons par là. Et puis, là, c'est un travail qui porte sur les carrières de ces gens pour essayer de les comparer entre trois institutions qui sont au cœur du système d'évaluation scientifique dans ce pays. Bonjour, Mary. Voilà, donc je commence l'exposé. Joël, on va essayer de faire l'exposé en 1 heure. Oui, je pense, oui. Donc, une demi-heure chacun. De toute façon, je pense qu'on a... Mais ouais. Je pense qu'il faut le prendre. Essayons d'être un peu. Ouais. Un peu. Voilà. Alors, nous avons retenu pour ce travail trois des principales institutions concernées par l'évaluation des personnes, des entités et des projets de recherche aussi, à savoir, et ceci seulement pour les sciences humaines et sociales. Hein, voilà notre champ de travail. Et ces trois institutions, c'est le Comité national de la recherche scientifique, c'est l'AERS et enfin c'est l'ANR. Un mot sur les missions et l'organisation de chacun. Nous ne sommes pas du tout entrés dans les pratiques de ces institutions, dans la façon, sur un mode ethnographique, disons, dans la façon dont travaillent dont les procédures sont effectivement mises en place pour évaluer les objets dont ils sont chargés. Nous avons en revanche, je vais quand même brièvement décrire les procédures officielles, en quelque sorte, de chacun. Alors, le Comité national de la recherche scientifique avait traditionnellement pour mission d'évaluer l'activité des chercheurs et des unités de recherche relevant du périmètre du CNRS. Depuis la création de l'AERS, il est dessaisi d'évaluation des unités, mais en fait, il continue à travailler sur les unités en vue de rendre ce qu'on appelle désormais un avis d'opportunité quant au maintien, au renouvellement du statut CNRS de l'unité en question. Cet avis est consultatif. Ensuite, la direction générale prend la décision finale, généralement en suivant la direction de l'institut de CNRS concerné, l'INSHS dans le cas particulier. Comme en cas de conflit de point de vue entre la section et le directeur de l'institut, l'évaluation de l'unité remonte au conseil scientifique d'institut, nous avons aussi mis les conseils scientifiques d'institut dans la boîte, c'est-à-dire dans le champ de l'analyse. Alors, ce sont les sections du comité national qui examinent les dossiers des chercheurs et des unités. Dans une section, il y a environ une vingtaine de membres, deux tiers élus, un tiers nommé par la direction de l'institut en question. Et les élus sont élus par les différents collèges de personnel, CNRS, directeur de recherche, chargé de recherche, ingénieur technicien administratif, et d'autre part par les collèges, les deux collèges d'enseignants-chercheurs, professeurs et maîtres de conférences. Pour un tiers donc, ces 20 personnes sont nommées par la direction. Et nous avons considéré comme organisateurs de l'évaluation, pour ne pas travailler sur des nombres de gens sous lesquels nous aurions croulé, hein, faute de temps, nous avons considéré comme organisateurs de l'évaluation les membres des bureaux, des sections et du conseil scientifique. Alors, ces bureaux sont élus par... Bonjour. Alors, on a commencé la partie 2. Hein, donc, voilà, en passant en vedette américaine et après, c'est vous. Donc, ces bureaux qui sont élus par la section, comprennent un président, un secrétaire scientifique, trois autres membres. Et il est généralement d'usage que le secrétaire scientifique soit plutôt un personnel de rang B et qu'au moins un membre du bureau soit choisi parmi les nommé. Voilà, en gros, les règles que nous voyons statistiquement parfaitement remplies, d'ailleurs, dans la mandature que nous avons retenue. Et nous remarquerons... Alors, attendez, que je vous montre un petit peu ça. Ah bon ? Donc la mandature que nous avons retenue, c'est 2012-2016, la mandature en cours. 59 personnes peuplent ces institutions au Comité national de la recherche scientifique, 41 élus, 18 nommés. Et vous voyez comment, donc dans les faits, au cours de cette mandature en tout cas, secrétaire scientifique et président ont tous été élus parmi les élus, et non pas un seul président parmi les nommés. Mais ça peut varier suivant les moments. Alors le bureau, qu'est-ce qu'il fait? Il organise le travail de la section, il affecte un ou plusieurs rapporteurs à chaque dossier, et c'est sous la responsabilité de son président que les avis sont rendus collectivement et que les rapports de la section sur les unités sont envoyés au directeur d'unité. Voilà. Alors, il faut ajouter que les sections du Comité national siègent chaque année en jury d'admissibilité pour les concours d'entrée au CNRS aux différents niveaux, qui sont d'ailleurs, en ce qui concerne les directeurs de recherche, essentiellement des concours de promotion. Les fonctions au Comité national sont exercées gratuitement, sauf lorsque le jury siège, lorsque la section siège en formation de jury, il y a une rémunération. Dans la version écrite, on espère faire un article de tout ça, je trouverai l'ordre de grandeur de cette rémunération. Je pense qu'il faut mettre l'argent sur la table dans toutes ces affaires, et notamment aussi pour les deux autres institutions. Voilà pour le Comité national. En ce qui concerne l'AERS, c'est une agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur qui a été instituée en 2007, qui évalue les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les unités de recherche et les formations d'enseignement supérieur, chacune de ces trois missions étant l'objet d'une section distincte de l'organisme. L'ARS se décrit comme une agence indépendante, bien que sa direction et son conseil soient nommés par le gouvernement. Et cette direction nomme à son tour les directeurs de section qui finissent par nommer ceux qui nous intéressent ici, c'est-à-dire les délégués scientifiques, qui à leur tour nomment les présidents des comités d'experts et les membres des comités d'experts. Donc, en fait, dans une expertise ou dans une évaluation de l'ARS, c'est l'ensemble de l'appareil hiérarchique de l'institution qui est mobilisé, et en particulier, il faut souligner le fait que les textes prévoient que les rapports finaux sur toutes les évaluations de l'ARS sont adoptés au conseil d'administration de l'entité, c'est-à-dire par des gens nommés par le ministre. C'est assez particulier comme indépendance. Donc, le conseil de l'agence valide les procédures, les référentiels, etc., qui sont communiqués aux experts, et adopte formellement donc les rapports finaux. Alors, ce que nous avons considéré pour l'ARS comme organisateur de l'évaluation, ce sont les délégués scientifiques. Les délégués scientifiques sont compétents dans une discipline, dans un groupe de disciplines, et dans un domaine de recherche aussi parfois, et ils sélectionnent les présidents des comités d'experts, aident ceux-ci à constituer le comité. En outre, le délégué accompagne le comité d'experts dans ses visites, il n'en est pas membre, mais il doit, je cite les textes, ou plus exactement le site de l'ARS, il veille au bon déroulement de l'évaluation et au respect des procédures. Alors, le délégué organise aussi ce qu'on appelle les réunions de restitution qu'il préside. Au cours de ces réunions, plusieurs présidents de comités d'experts sont réunis, généralement dans un champ thématique cohérent, et leurs rapports sont discutés, sont éventuellement amendés, et jusqu'à une période assez récente, les notes étaient attribuées dans ce cadre, en vue d'harmoniser les notes et en particulier d'obtenir que les notes soient distribuées en fonction des objectifs de l'agence. Bien. Alors, donc, on voit bien dans cette description, que j'espère objective, que les délégués scientifiques sont en mesure d'intervenir fortement à toutes les étapes du processus d'évaluation. Et l'ensemble des délégués d'un même domaine scientifique, ici les SHS, est placé sous la responsabilité d'un coordinateur du domaine. Alors ces délégués sont nommés pour un ou deux ans renouvelables, au cours desquels ils sont mis à la disposition de l'ARS par leur corps d'origine, et ils reçoivent une indemnité de fonction dont j'aimerais pouvoir, dont nous pourrions publier le montant approximatif dans cet article. Alors, la durée du mandat est en général assez courte, en fait, donc là, il y a une sorte d'observation empirique de la chose sur la période qui nous a intéressés. On a travaillé sur les 84 délégués scientifiques en fonction entre 2009 et 2013. On a ici les vagues de recrutement de ceux-ci. Notre observation ne couvre pas l'ensemble de l'année 2013. Par conséquent, la vague 2013 est très réduite au minimum, comme vous le voyez. Et ce qui est assez frappant, c'est que parmi les 35 délégués recrutés en 2009, 14 sont restés un an, 15 sont restés 3 ans. Et 6 seulement sont encore en poste 4 ans plus tard. Je précise, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, qu'une mandature du comité national, c'est 4 ans. Alors, on voit un assez fort, enfin bon, je ne rentre pas dans les détails chiffrés, on voit un assez fort turnover des délégués scientifiques. Donc, ce turnover implique évidemment un recrutement annuel de l'ordre d'une vingtaine de personnes à peu près. Notre troisième entité, l'Agence nationale pour la recherche, instituée en 2005, elle a de multiples fonctions, dont celle de sélectionner et de financer des projets de recherche qui lui sont soumis dans le cadre d'appels à projets annuels. Alors je parle sous le contrôle, sous ton contrôle, parce que c'est toi le grand spécialiste, Yann Renisio, de cette institution. Alors nous n'envisageons pas ici ces autres activités, nous envisageons seulement celles qui concernent, nous ne regardons pas les activités qui concernent à sélectionner les initiatives d'excellence qui ont été soumises en 2011 et à nouveau en 2015 à un jury international nommé par l'agence. Nous n'examinons pas non plus selon quelles modalités l'agence examine elle-même, 4 ans plus tard, les initiatives d'excellence qu'elle a retenues et qui ont résulté de sa sélection. Il ne sera question ici que des personnels engagés dans la sélection des projets de recherche soumis chaque année à l'agence. Sans oublier les SHS dans cette affaire représentent une proportion extrêmement faible des montants financiers, mais à l'échelle de nos disciplines, c'est évidemment une manne importante. L'ANR appelle programme l'ensemble des opérations qui s'organisent autour de chaque appel à projet, programme qui peut être thématique, alors le thème est donc affiché au préalable et puis détaillé dans le texte de l'appel, ou alors non thématique, on dit aussi programme blanc. Les programmes peuvent être ponctuels, ils se développent alors simplement sur la durée de la procédure qui va de l'appel à projet jusqu'à la remise des résultats, ou bien être récurrents, comme chaque année le programme blanc SHS ou jeunes chercheurs SHS ou alors le programme franco-allemand par exemple. Chaque programme est suivi, et c'est là où je vais essayer de définir ce que nous entendons pour l'ANR par organisateur de l'évaluation. Chaque programme est suivi du début jusqu'à la fin par un responsable de programme qui représente l'agence dans toutes les instances. Une fois défini le thème du programme, un comité d'évaluation est nommé par l'agence, ainsi que son président, qui rédige l'appel à projet. Les projets sont reçus et soumis à des experts extérieurs, qui sont nommés par l'agence, bien entendu, et qui expriment leur avis sur un petit questionnaire et attribuent une note sur chacun des critères qui leur sont, proposés, donc sur lesquels il leur est demandé de statuer. Le comité d'évaluation examine ensuite les projets, les expertises, et procède à une sélection qu'il propose de retenir. Il délivre sur chacun des projets, qu'il les propose ou pas à retenir, un avis qui peut être plus ou moins bref, mais qui prend une forme écrite. Et dans un certain nombre de programmes, pas tous, un comité de pilotage est mis en place qui est adjoint au comité d'évaluation, dont la fonction est d'évaluer si la pertinence des projets sélectionnés par le comité d'évaluation du point de vue des finalités du programme. Est-ce que c'est bien ça qu'on veut faire ? En revanche, le comité de pilotage ne peut pas repêcher, en principe, aucune ethnographie de tout ça n'a été faite, mais c'est comme ça que c'est en tout cas décrit par l'institution, ne peut pas repêcher un projet qui n'aurait pas été sélectionné auparavant par le comité d'évaluation. Excusez-moi, c'est un petit peu long et peut-être un peu inintéressant, mais bon, il faut bien qu'on fixe le cadre de notre travail. Donc, nous avons considéré comme organisateur de l'évaluation à l'ANR l'ensemble des personnes constituées par les responsables de programme, qui sont généralement des membres à plein temps de l'agence pendant plusieurs années, les présidents des comités d'évaluation, qui sont généralement des scientifiques qui se consacrent à temps très partiel pendant le moment de l'écriture de l'appel et puis de la sélection des projets, et enfin les présidents des comités de pilotage. Pour la période 2007-2012 étudiée ici, on compte 39 présidents de comités d'évaluation, parce que bon, comme il y a des doubles casquettes, les chiffres ne correspondent pas tout à fait à ce que vous avez en bas des colonnes, 15 responsables de programme seulement et seulement 7 présidents de comité de pilotage. Alors cette distribution des tâches tient au cumul des responsabilités entre les mains d'un assez petit nombre de personnes au sein de l'ANR. Bon, là-dessus je vais être assez bref parce que c'est particulièrement délicat d'interpréter les chiffres, mais voyez simplement le tableau du bas où on montre la distribution des positions occupées selon la fonction de la personne qui les occupe et le nombre de positions qu'elle occupe. Donc vous voyez par exemple que les présidents des comités d'évaluation en règle générale occupent une seule, parfois deux positions. tandis que les présidents des comités de pilotage tendent à en occuper de très nombreuses, et bien entendu aussi les responsables de programme pour l'ANR, le responsable d'ailleurs du secteur SHS de l'ANR, occupant dans, au cours de la période qui nous intéresse, vous voyez, 11 positions. Ce qui donne, du point de vue, ce qu'on peut représenter par ce tableau plus concret, plus proche d'une description factuelle. Ici, nous avons, ligne par ligne, l'ensemble des programmes qui relèvent des SHS dans la période. En colonne, le nombre de positions de responsabilité impliquées par la gestion de ce programme. Et puis, ce qui est colorié en vert, c'est les programmes pour lesquels on trouve, parmi ces positions de responsabilité, l'un des cinq pilotes, pourrait-on dire, de l'institution, c'est-à-dire les personnes qui ont cinq positions ou plus au cours de la période. Je vais très vite, mais disons, pour résumer l'essentiel, on constate une très grande présence des pilotes partout. C'est-à-dire qu'on constate une concentration, sinon des responsabilités, du moins des positions de pouvoir tout à fait considérables dans cette institution qu'est l'ANR, et ce qui la différencie considérablement des deux autres, d'ailleurs. Voilà. Alors, maintenant, rentrons un petit peu plus dans des choses intéressantes. La première chose que nous avons faite, c'est d'essayer de voir, en utilisant l'ensemble de la base qui gouverne la science, où se situe ces personnes dans l'ensemble des institutions qui nous intéressent. Alors, la méthode a consisté à faire une analyse de réseau qui prenne comme population nos organisateurs de l'évaluation dans les trois institutions et qui examine dans quelles autres institutions ils apparaissent au cours non pas de la simple période d'observation, mais de l'ensemble de la période sur laquelle notre base fonctionne, donc 2005-2012. Voilà. Donc, on ne prend pas en compte le temps, c'est un peu trop compliqué pour une analyse comme ça, mais on prend en compte quand même, on donne une chance aux gens, on donne une chance à l'outil, disons, d'exprimer des déplacements des personnes dans l'espace des institutions de l'ESR. Alors, ça, c'est le graphe d'ensemble qui est un petit peu, évidemment, illisible. Les taches rouges, ce sont les nœuds qui représentent les institutions, quelles qu'elles soient. Pas simplement les institutions d'évaluation qui nous intéressent, qui sont ici. Voilà le Comité national de la recherche scientifique pour les SHS, avec ses commissions interdisciplinaires. Voici ici le CNU. Alors la taille du cercle est proportionnelle à la population de l'institution. Donc le CNU est une grosse institution par rapport au Comité national. Ici, nous avons les délégués scientifiques de l'AERS, et ici, nous avons tous ces gens engagés dans les programmes de l'ANR, tels que je les ai pris. Voilà. Et puis, tous ces noms, que je suis heureux que vous ne puissiez pas lire, parce que, de toute façon, nous allons publier tout ça sous une forme anonymisée, ça va de soi, tous ces noms représentent nos trois populations. Alors, première observation... Bon, commenter un graphe de réseau, c'est toujours assez complexe, et ça peut être aussi très ennuyeux, mais première observation qui apparaît quand on voit le système dans son ensemble, c'est le relatif isolement du comité national par rapport aux autres institutions. Le comité national... Alors, la première observation, pardonnez-moi, qu'il faudrait faire avant, c'est de constater que la plupart de nos organisateurs de l'évaluation ne sont affiliés à aucune autre institutions que celles qui nous intéressent. Ça, ce sont tous ces noms-là, ce sont des gens qui ne lient pas, qui ne lient pas deux institutions. Ils sont tout seuls. On aurait pu d'ailleurs, avec une autre technique de représentation, on aurait pu les écarter, ce qui aurait rendu, je crois, le graphe un peu plus lisible, pardonnez-moi. Donc, première observation, la plupart, notamment au comité national, mais pas seulement, à la LRS aussi, dans une moindre mesure à la NR, ces gens-là ne font rien d'autre. Compte tenu de notre outil d'observation, ça va de soi. C'est une limitation qu'il faut sans cesse rappeler. En revanche, ceux qui sont liés à d'autres institutions, en ce qui concerne le comité national, sont très peu nombreux. Nous avons des liens vers les délégués scientifiques de l'AERS, nous avons un lien minuscule avec le CNU, Nous en avons un autre avec le jury de l'IUF. Et nous avons quelques liens directs avec les organisateurs de l'évaluation de l'AMR, mais tout ceci représente fort peu par rapport à l'ensemble des personnes qui nous intéressent. Ce qui est peut-être mérite d'être souligné, c'est que une partie des relations avec l'ANR et dans une certaine mesure l'IUF passe par les commissions interdisciplinaires qui sont l'outil que se donne la direction du CNRS pour faire travailler ensemble, dit-on, les sciences humaines et les autres sciences de l'institution. Donc, si on s'en tient à l'essentiel, isolement relatif du comité national. Si on regarde maintenant le réseau propre aux délégués scientifiques de l'ARS, ça c'est un petit zoom sur cette partie du graphe. Première constatation, ce sont des professeurs, on va le voir tout à l'heure. Ces professeurs, assez naturellement, sont fortement liés avec le CNU. Ils le sont aussi avec d'autres instances d'évaluation qui, elles, sont ministérielles et qui concluent, disons, l'histoire de l'évaluation universitaire dans ce pays. La MSTP, la vieille MSTP, la mission scientifique et technique du ministère de la Recherche, qui nommait ces experts qu'on va retrouver pour une part parmi les délégués à l'ERS, et puis, d'autre part, plus récemment, cette commission d'attribution de la prime d'excellence scientifique, où une partie des gens qui sont délégués de l'ERS contribuent. Par ailleurs, quelques liaisons très très ponctuelles, avec des institutions qui, ma foi, n'ont pas une importance cruciale, mais cependant, la Commission nationale d'évaluation de l'innovation, hein, quelque chose comme ça, qui a été mis en place assez récemment, et puis l'Office parlementaire, ça c'est plus important, des choix scientifiques et techniques. Et une partie de ces délégués ERS, très, très peu nombreux, se retrouvent dans les directions, hein, se retrouvent parmi les chefs. Quelques-uns qui deviennent chefs, en quelque sorte, soit à l'ARS même, soit à la MSTP jadis, et puis soit tout simplement à la direction du CNRS, comme ici un nom que je ne lirai pas. Maintenant, l'ANR. Donc, l'ANR, c'est très différent. L'ANR est beaucoup plus impliquée dans les institutions de pouvoir que l'ARS. Hein ? Quand je dis ANR, il faut évidemment sous-entendre cette longue périphrase qui décrit ce que nous entendons par la population étudiée. On est bien d'accord là-dessus. Donc, là, très très brièvement, comme il y a aussi pas mal de professeurs, il y a des liens avec le CNU, il y a des liens avec les différents organes d'expertise universitaire du ministère, mais il y a aussi des liens importants, enfin, assez nombreux, avec la stratégie nationale de recherche et d'innovation mise en place par Mme Pécresse au moment de son ministère, avec ce qui en est sorti, c'est-à-dire Athéna, l'agence qui coordonne la recherche en SHS, avec la direction de l'ANR, avec European Science Foundation dans sa partie SHS, tout là-haut avec la partie de l'ANR qui gère les investissements d'avenir. Donc on a quelques rapports plus intenses avec les institutions de pouvoir. Et dernière remarque, et c'est peut-être le plus important, ce qui caractérise ces relations, c'est qu'elles sont, elles sont portées par des gens qui sont pluripositionnés. Au lieu, c'est pas simplement deux institutions qui lient, c'en est plusieurs. S'en sont plusieurs. Bon, je prends ici un exemple, cette personne-là, qui est une historienne de Venise au bas Moyen-Âge, lit l'ANR qui nous intéresse avec la direction du CNRS en SHS, elle a été experte en SHS pour la MSTP, elle a encore d'autres propriétés. Voilà, j'en ai fini pour cette description un peu au pas de course, parce que le temps passe très vite. Alors, quand on est devant des données comme ça, Le plus simple, c'est que vous m'interrompiez chaque fois que vous avez une idée ou une objection ou quoi que ce soit. Parce qu'on aura du mal à y revenir ensuite. Donc, je suis à votre disposition pour faire la pause et discuter à chaque instant. Voilà, donc ça, c'était une première approche qui tend à répondre à la question, nos organisateurs de l'évaluation, quelle est leur place respective dans l'ensemble du système. Maintenant, on va tenter de décrire les morphologies assez contrastées, vous allez le voir, des trois populations étudiées. Comment sont recrutés ces organisateurs de l'évaluation dans les institutions de l'ESR et quelle est la morphologie de chacune des populations, en gros en termes de statut professionnel et d'établissement d'origine, hein, où est-ce qu'on, quels sont les bassins de recrutement finalement de ces gens. Alors, une façon évidemment simple de commencer à répondre à la question, c'est de regarder quels sont leurs statuts. Leur statut. Alors, prenons les choses en pourcentage, c'est quand même plus simple. Observons que les membres des bureaux du CoNRS sont bien entendu pour une part en gros 63% membres des corps du CNRS, directeurs de recherche et chargés de recherche, et pour en gros 38%, quelque chose comme ça, ce sont des universitaires, des enseignants-chercheurs, professeurs et maîtres de conférences. On remarquera que dans les bureaux des sections, les ITA qui sont représentés dans les sections elles-mêmes ne figurent pas. À l'AERS, le paysage est profondément différent. En gros, l'AERS est, est une institution de professeurs d'université. Ils sont là, 83%. Bon, il y a quelques maîtres de conférences, 8%, généralement plutôt âgés que jeunes. Et de personnel CNRS sous la forme de directeur de recherche, 2%. Voilà. Il y a aussi, alors les non-réponses, je ne dévoile pas, ce sont des gens, quand on recherche les CV, mais peut-être tout à l'heure Joël va en parler, on a parfois évidemment des déboires et on ne trouve pas. Et puis il y a 4% de personnes hors enseignement supérieur et recherche, ce sont essentiellement des gens qui sont recrutés dans des ministères, ministère de l'Environnement, ministère de la Culture, ou bien aussi dans le secteur privé. Il y en a un, il dirige Capgemini, qui est une boîte de conseil pour la gestion des entreprises. Voilà, l'ANR a un profil assez différent des deux autres, hein, avec une prime importante, 54% et 56% si on prend les maîtres de conférence donc les universitaires, mais une présence effective des gens du CNRS. Et puis, particularité de l'ANR qui se pique dans tous les aspects de ses activités, d'avoir des experts étrangers qui viennent leur donner leur avis, 15% de professeurs d'université étrangère, dont je ne ferai malheureusement pas le portrait, mais ça mériterait, c'est tout à fait passionnant. Là encore, 5% de personnes hors ESR. Vas-y. Et pour l'ANR, en fait, il y a moins de directeurs de recherche que de professeurs, mais le nombre de professeurs sur le marché, c'est combien de... Alors, chez nous, je veux dire, chez nous, en SHS, on a... enseignants-chercheurs et chercheurs, les chiffres sont 2007, 79% d'enseignants-chercheurs, 21% de chercheurs CNRS. Voilà. Donc, en gros, l'AERS reflète, en la forçant un petit peu cette distribution, tandis que l'ANR va pêcher au CNRS plus de monde que... il y aurait droit, en quelque sorte. Oui, enfin, tu vois que là, ce qui est proportionnel, c'est CNRS-FAC, mais l'OBERA n'est pas indépendant, parce que si tu reviens dans la fac, à mon avis, il y a quand même plus de maîtres de compte que de profs. Et puis au CNRS, c'est pareil, il y a plus de chargés de recherche que de directeurs, et les proportions... Ces proportions ici, pour ce qui concerne les bureaux, ce sont les bureaux du comité national, et elles sont très strictement fixées par une sorte de règle implicite qui consiste à dire que sur 5 membres d'un bureau de section, il y a toujours un chargé de recherche qui joue le rôle de secrétaire scientifique. Donc c'est comme ça que ça marche. Mais bon, il faut quand même souligner le fait que, aussi bien à l'ARS qu'à l'ANR, plus encore à l'ANR, en gros, les gens de catégorie B n'ont pas le droit à la parole. Comment voulez-vous qu'ils évaluent correctement des projets de recherche, ces gens-là, hein? C'est, en tout cas, qui dirige l'évaluation des projets de recherche. Il est possible que des maîtres de conférences et des chargés de recherche soient bien entendus dans les comités eux-mêmes. Je l'ignore, on n'a pas travaillé là-dessus. Donc voilà. Je vais peut-être passer rapidement sur ça. Voilà. Alors, un autre aspect des différences que je trouve assez intéressant, c'est que... parmi les professeurs à l'université, il y en a de diverses sortes. Il y en a qui, tous, bien entendu, font de la recherche, ça fait partie de leur mission, mais certains ne prennent pas la peine de s'affilier à un groupe de recherche particulier. Ils se déclarent, en particulier dans leur CV, comme membre d'un institut, membre d'une UFR, etc. Hein? Il n'y a pas trace dans la présentation d'eux-mêmes d'une institution de recherche. D'autres se présentent comme membres d'une équipe associée, d'une équipe d'accueil, pardon, une équipe d'accueil, par conséquent, une structure strictement universitaire qui est sans rapport avec le CNRS, hein, équipe d'accueil EA. Et enfin, d'autres se présentent comme étant membres d'UMR ou autres. Il y a d'autres formules que l'UMR, mais j'ai tout simplifié sans une seule colonne, c'est-à-dire d'une équipe universitaire qui est associée au CNRS. Voilà. Il y a deux tutelles, l'université en question, le CNRS d'autre part. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est d'observer ceci. Je ne sais pas si j'ai des pourcentages, non. Non. Eh bien, c'est le fait que, bien entendu, au... Ah non, ça c'est autre chose, excusez-moi. J'y viens. Bien entendu, au comité national, la quasi-totalité des gens, et notamment des professeurs, est affiliée à une UMR. Ces gens connaissent le CNRS, c'est la moindre des choses. À l'ARS, il n'en est rien. Il est tout à fait intéressant d'observer que parmi les 70 professeurs de notre population, nous en avons 40 qui appartiennent à une équipe d'accueil et seulement 21 à une UMR, 9 n'évoquant pas dans leur CV, n'est-ce pas, de formation de recherche d'aucune sorte. Il n'en est pas de même avec l'ANR, où parmi ses professeurs, une majorité néanmoins déclare être en rapport avec le CNRS. Donc il faudrait ajouter à cette description de tout à l'heure le fait que non seulement l'ARS est composée fondamentalement de professeurs d'université, mais que la majorité de ces professeurs d'université n'ont aucune expérience particulière de la recherche telle qu'on l'a faite dans les unités du CNRS. C'est important. En ce qui concerne les genres, bon, ma foi, en gros, c'est des distributions qui suivent la distribution par grade. Hein? Il y a plus de femmes quand il y a des rangs B et il y a moins de femmes quand il n'y a que des rangs A. Une exception, l'ANR, parce que les dames sont fortement représentées parmi les professeurs étrangers. Un professeur étranger, ce n'est pas très dangereux, croyez-moi. Alors, donc vous voyez un peu le sexe ratio relativement cohérent, mais évidemment il est plus faible. L'ANR est un monde de messieurs installés, on va dire ça comme ça. Des professeurs installés. Alors, avant-dernier aspect, c'est on regarde maintenant. Ça va le temps ? On regardera maintenant les établissements, le bassin de recrutement en termes d'établissement de nos trois populations. Si on prend les choses à l'échelle micro, on observe ceci. J'ai fait ce tableau avec simplement toutes les universités qui fournissent à nos populations au moins 2 personnes. Vous remarquerez que le passé, nous avons gardé les vieux noms de ces entités que nous considérons comme constants sur l'ensemble de notre fichier, parce qu'autrement on s'y perd, sans compter que ça change tout le temps. Quand même, c'est quand même plus économique de dire Paris 10 que de dire... Voilà. Et puis en fait, voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de faire en tout cas. Donc, vous avez ici un tableau des établissements qui fournissent. En ce qui concerne, bien sûr, toutes les populations qui sont dans un établissement universitaire, qu'il s'agisse d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs CNRS ou autres. Je vous laisse simplement le temps de regarder les listes. Liste que je vais, dans un instant, résumer par un tableau qui comporte une typologie des universités. Alors, sur cette typologie, il y aurait beaucoup à dire. Je la tiens d'Olivier Gouchot, qui la pratique, et je trouve ça très, très, très convaincant. Nous avons un premier paquet qui est constitué des grands établissements au sens très large, PHE, HESS, CNAM, je cite simplement ceux qui sont représentés dans notre fichier. J'étends ça aux ENS, qui ne sont pas des grands établissements, mais disons, voilà, on va faire comme ça. Et j'exclus Dauphine, qui est un grand établissement, mais qui ressemble quand même terriblement à une université de la deuxième génération. Donc les grands établissements sont la première catégorie. Paris Centre, c'est l'ancienne faculté des lettres et de droit, les deux facultés qui ont explosé en 71. Voilà, c'est ça. Donc ça va en gros de, ça va de Paris 1 à Paris 7. Et là, ce que j'appelle Paris Première Couronne, c'est toutes ces créations antérieures à 71, Nanterre, Vincennes, voilà. Donc Dauphine, c'est de Paris 8 à Paris 10. Pour ce qui concerne, je ne cite évidemment que les universités de type SHS. La seconde couronne, c'est toutes celles qui ont été créées plus tard. Elles sont nombreuses. Du côté des provinces, que je n'appelle pas les régions, je trouve ça fatigant. Notre tâche n'est pas d'emballiser le vocabulaire, mais de parler comme tout le monde. Donc, du côté de la province, on a les grandes villes universitaires, que Gaucho définit très, très économiquement comme les villes qui ont eu plusieurs universités avant les fusions. C'est pas mal. C'est-à-dire que les villes qui avaient des universités suffisamment grosses pour se disputer au moment de la loi Faure. Donc c'est bien. Donc c'est ce critère-là que j'ai appliqué. Les petites villes universitaires, enfin, c'est toutes les autres. Alors, là, je trouve que les distributions sont absolument saisissantes. Bon, là, je vais me risquer à peut-être à des interprétations excessives, mais... voilà. Les bureaux du Comité national de la recherche scientifique se présentent comme des institutions où le poids des grands établissements en question est tout à fait considérable. Hein, 29% des membres, 7% à l'ANR, 5% à l'ERS. On a une concentration prodigieuse de personnel travaillant dans ce cadre-là. Et puis, on a assez naturellement, parmi... on a les personnels de la faculté des lettres et de la faculté de droit qui représentent 17%. Ça va être un pourcentage relativement égal dans nos trois institutions. Et puis, une forte proportion dans les grandes villes universitaires. On observe aussi qu'il y a plus de gens dans la première couronne, c'est essentiellement Paris 10, que de gens dans la seconde, et que les universités des petites villes de province sont relativement peu représentées. Voilà donc une institution dont on pourrait imaginer qu'elle est perçue par d'autres ou qu'elle se perçoit elle-même comme une sorte de concentration de l'élite académique de ce pays. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je reprends à mon compte ce type de jugement, mais je pense que ce type de distribution est quand même fondé, enfin, mes remarques sont fondées sur une très vieille histoire qui commence à la fin du siècle dernier et qui est une manière de décrire les dignités ou les prestiges universitaires relatifs. Bon, prenons l'AERS parce que, on va dire, c'est tout le contraire. L'AERS, les grands établissements, absent totalement. Pas totalement. Il y a deux délégués scientifiques de l'HESS, par exemple, qui y ont travaillé. Une proportion de Paris Centre importante. Des troupes dans les grandes universités de province, et alors un tiers de la population vient des petites universités provinciales. On remarquera aussi qu'en ce qui concerne la région parisienne, la seconde couronne est plus représentée que la première. Hein, on a là un paysage profondément différent. sur lequel je pense qu'on peut peut-être faire quelques commentaires. Peut-être ceci, peut-être, il y a peut-être deux façons de décrire, enfin, il y a beaucoup de façons de décrire cela, surtout que je le fais sans enquête particulière, c'est juste des réflexions un peu irresponsables. On peut dire que c'est une sorte de rétablissement du droit à la parole, hein, du droit à s'occuper de tout ça, de gens qui auparavant en étaient écartés. On peut dire ça. On peut dire aussi que ça ressemble fort à une institution qui va prendre sa revanche sur celle-ci. Le type de recrutement est spectaculairement contradictoire avec le CNRS, et il y a peut-être quelques raisons à ça. Alors, l'ANR, je termine avec ça, a d'une certaine façon une situation un petit peu intermédiaire entre les précédentes, avec une prime importante. Les autres cas, c'est notamment les professeurs étrangers, mais une prime importante à la fois aux vieilles universités parisiennes et aux grandes universités de province. Décidément, l'ANR continue, dans les différentes façons de s'approcher, de se décrire comme une institution de l'establishment, on pourrait dire, universitaire de ce pays. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'aborde pas la question des disciplines. Si tu veux. Hein, tu en parles. Bon, une toute dernière chose, mais c'est très complexe et je suis un petit peu désolé de, en quelque sorte, d'effleurer un sujet qui mériterait bien d'autres considérations. Donc c'est compliqué d'assigner une discipline à une personne. En gros, on a toujours appliqué la même politique, c'est-à-dire de prendre les autodéclarations et de les suivre très très fidèlement. Sauf que, évidemment, quelqu'un qui fait du droit privé, il considère qu'il n'a pas la même discipline que celui qui fait du droit public. Donc quand même, pour des tableaux comme ça, il a fallu les regrouper. Donc ce sont des disciplines autodéclarées simplifiées, on va dire. Alors, tout ceci est assez mystérieux, hein, comme ça se présente comme ça. Donc, en ce qui concerne le CNRS, c'est assez simple, ça exprime très exactement, mathématiquement, la composition des sections. Et par conséquent, d'une certaine façon, ça reflète la présence des différentes disciplines au sein du système CNRS. L'AERS devrait être, et sans doute, beaucoup plus proche de la situation universitaire dans son ensemble, avec l'apparition, bien sûr, de disciplines qui ne figurent pas, pratiquement pas au CNRS, littérature étrangère comparée, enseignement des langues, la psychologie, pour sa part, vous le savez, n'est pas au CNRS en SHS, mais du côté des sciences de la vie. Qu'est-ce qu'elle nous dévore ? Et nous avons aussi sciences de l'éducation, les STIC, les STAPS et toutes ces choses que vous ne connaissez pas au CNRS. Il faut remarquer quand même qu'il y a des inflexions, me semble-t-il. Alors là encore, Joël, il faudrait comparer ça effectivement aux effectifs enseignants pour avoir des ordres de grandeur. Mais je suis frappé d'observer que le droit a un poids très important à l'ARS, l'économie aussi, plus que du côté du CNRS, la gestion vient d'elle-même. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre là-dessus ? Oui, il y a beaucoup de biologistes en SHS. Alors, c'est bien de mettre le doigt sur l'enfer est dans les détails. Voilà. Dans les périodes qui précèdent celles qui nous intéressent, la mandature CNRS qui nous intéresse ici, il n'existait pas d'institut d'études de l'environnement au CNRS. Cet institut s'est créé au cours de la période d'observation. Or, cet institut a emporté avec lui toute une partie des unités qui auparavant relevaient des SHS. C'est la raison pour laquelle on a mis dans notre population d'observation le conseil scientifique de cet institut, en fait son bureau. Et dans ce bureau, il y a des biologistes qui s'occupent en gros de biologie de l'environnement. Voilà. Alors, du côté de l'ANR... tout ça est un petit peu je vous laisse regarder on n'a pas le temps de discuter vraiment à partir de là en tout cas, mais on voit apparaître grâce aux professeurs des universités étrangères des études islamiques, c'est un allemand, les security studies, c'est un britannique, il a une page web absolument admirable, c'est son métier, il est professeur de international security studies, il s'occupe aussi d'islam évidemment, Voilà, et puis, alors la science cognitive ouvre ici se montre un peu, et je voudrais vous montrer une dernière chose à propos de science cognitive. Donc j'ai fait, on va trop vite, j'ai fait quelques regroupements de disciplines qui m'ont semblé relativement pertinentes, qu'il faudrait argumenter longuement. Voilà, mais il y a une entité qui prend corps dans le système de l'ESR français, qui sont effectivement les sciences cognitives, psychologie cognitive, neurosciences, sciences cognitives, philosophie cognitive, tous ces termes sont empruntés à vos CV. Et voilà, donc j'ai fait un regroupement qui n'est pas un regroupement de discipline, hein, qui est un regroupement thématique autour de cette notion de sciences cognitives. On voit apparaître une chose tout à fait surprenante ou pas, mais enfin en tout cas frappante, c'est que les sciences cognitives sont massivement représentées parmi les personnels organisant l'évaluation à l'ANR. Voilà, on pourrait. Je m'attendais à ce qu'il y ait des différences importantes en matière d'études sur la santé. Eh bien non, donc je vous montre l'échec d'une hypothèse. On ne s'intéresse pas spécialement à ce sujet du côté de l'ANR. Les travaux sur les sciences et les techniques sont paradoxalement ou pas, mais en tout cas plus fortement représentés au comité national que du côté de l'ANR. Et du côté, en gros, des problématiques de l'aménagement, on a un équilibre assez intéressant entre les trois institution qui tient essentiellement au fait que les géographes, qu'ils soient au comité national, à l'ANR ou ailleurs, ils sont pour l'essentiel, ceux qui sont dans nos institutions, aménagistes, ils s'occupent de ça. Et donc, l'archéologie. Alors l'archéologie, ça c'est un peu audacieux et assez faux. Bon, d'abord, il y a beaucoup d'archéologie en SHS au CNRS, oui. Mais je me suis permis de regrouper sous cette rubrique, parce que c'est une rubrique patrimoniale, disons, qui touche à ces questions. En plus, c'est une image de la hard science dans les SHS, qu'on voit s'étaler dans le courrier du CNRS sur du papier glacé constamment. Donc je me suis permis de mettre avec l'archéologie, bon, la paléontologie, qui est plus représentée de mes mains, et puis aussi la partie de l'histoire antique qui est extrêmement tournée vers la fouille. Histoire romaine, histoire grecque, de collègues qui, en gros, fouillent et puis discutent les fouilles ensuite en tant qu'historien. C'est un peu shaky, c'est un peu risqué. Mais voilà, parce que j'étais particulièrement intrigué par l'importance de cette discipline à l'ERS, dans la mesure où le patron des SHS à l'ERS est lui-même un historien de la Rome antique. Oh oui. Parce que moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ça représente, c'est la spécialité dans laquelle se déclarent les gens qui sont évaluateurs. Exactement. Donc en fait, ça ne représente pas du tout l'intérêt que le CoNRS, l'ARS ou l'ANR portent à une discipline, mais la manière de penser de ces gens-là. Et c'est pas du tout étonnant que les sciences cognitives soient en train de grimper à l'ANR. Et que les sciences et techniques apparaissent pas. C'est un outil pour ces gens-là, les sciences et les techniques. C'est pas un truc à développer. Les gens qui sont spécialistes de sciences et techniques qui vont juger de ça. Sociologie des sciences, histoire des sciences, études du risque, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est... très important. C'est un thème qui me semblait être en plein développement. Mais c'est un thème en thème, mais pas, c'est pas des gens spécialistes de ça qui vont les juger. C'est et c'est ça qui est intéressant. Je pense que la science et la technique aujourd'hui deviennent incontestables. Enfin, c'est tellement banalisé le poids de la technologie, de la puissance technologique, que plus personne n'a pas besoin de spécialistes de ça pour en parler. C'est aux autres disciplines de dire dans quel domaine il faut faire des progrès. Mais ce n'est pas un spécialiste des sciences et techniques. Moi, je comprends autre chose dans cette rubrique. Je comprends que ce sont des gens qui sont des chercheurs en SHS, dont l'intérêt est les sciences et les techniques. C'est-à-dire des historiens des sciences, des sociologues des sciences, des épistémologues. Et je me demandais si, parce que bon, disons, que font les science studies dans les réformes en cours? Voilà, c'était un peu ça ma question. C'est pas tout à fait une donnée aussi grossière qui peut y répondre. Dernière chose, et puis j'arrête, c'est à propos précisément des sciences cognitives. Alors voilà un petit outil de réflexion assez proche de celui que je vous ai présenté tout à l'heure sur les pilotes de l'ANR, hein, la concentration du pouvoir entre les mains d'un très petit nombre de gens. Voilà donc, l'ensemble, c'est le même tableau de base, hein, c'est le même tableau de base de l'ensemble des programmes ANR entre 2007 et 2012. Et j'ai colorié en orange les programmes où l'une des personnes en charge de l'organisation de l'évaluation se réclame des sciences cognitives. Alors que par exemple, on peut imaginer facilement que émotion, cognition, comportement, il y a des gens qui s'occupent de sciences cognitives, qui s'occupent de ça. On peut admettre, quoique, si ça me paraît, bref, il y aurait beaucoup de choses à dire, que sur l'enfant-enfance, sciences cognitives, psychologie du développement, apprentissage, ok. Mais ce qu'on observe, c'est que le programme blanc SHS, n'est-ce pas, a constamment eu un représentant de ces disciplines parmi les responsables de l'ANR, président du comité d'évaluation ou président du comité de pilotage. Constamment, sur l'ensemble de la période. Jeunes chercheurs et jeunes chercheuses en 2007. Bon, là, on n'a pas toute la série, malheureusement. Il y a une petite lacune d'informations. La cognition est ici. Sur la communication, cognition. Sur les. Sur quoi encore? Le programme franco-britannique, cognition. Le programme franco-japonais, franco-québécois, métamorphose des sociétés, inégalités, cognition. Donc c'est une information brute que je livre. Il faut évidemment, pour lui donner du sens, aller voir les appels à projets et aller voir les projets retenus. Il n'en demeure pas moins que du point de vue, disons, des positions institutionnelles dans la machine à évaluer, les personnes qui se réclament des sciences cognitives sont extrêmement, extrêmement présentes, y compris très loin de leur base, pourrait-on dire. C'est la dernière chose que je voulais dire. Oui, Yann. Quels sont les projets qui ont particulièrement bien marché, ceux qu'il faut mettre en valeur, etc. J'ai tout à fait souvenir, je l'avais envoyé d'ailleurs, d'un des commentaires dans un de ces rapports annuels qui dit « On constate quand même que les travaux orientés sciences cognitives marchent mieux, qu'il y a une plus grande efficacité de ces programmes-là en termes de publications, retombées, etc. » Donc peut-être que cette interprétation-là de l'efficacité des sciences cognitives est peut-être liée au fait que au sommet de l'évaluation de cette agence, il y a déjà une prédisposition à un goût pour ces domaines-là. Oui, ça, je pense que c'est assez possible. Bon, un détail qui peut-être va vraiment dans ce sens, c'est-à-dire que tu dis à juste titre des gens qui disent, qui se présentent comme étant cognitivistes. Oui. Mais si on regarde, par exemple, la carrière de ces personnes, sauf peut-être les très jeunes, on voit qu'il y a un pourcentage très nombreux de ce qu'on pourrait appeler les convertis au cognitivisme. Tout à fait. Et ça, c'est un phénomène qui mériterait, à mon avis, d'être étudié dans le détail. Et ça peut aller, bien sûr, dans la psychologie, en plus, par exemple, la psychanalyse, mais tout autant dans des études de type typiquement littéraire ou alors anthropologie. De type, excuse-moi, j'ai mal entendu, de type littéraire. Oui, bizarrement, oui. Oh non, c'est pas du tout ces dérives-là. Ce sont des gens, enfin, les physiciens, il y a à peu près deux d'entre eux, une femme, un homme, un professeur d'université, qui sont tous les deux chercheurs au CNRS, plus un professeur d'université à Clermont-Ferrand dans ses origines. Tous ces gens sont partis de la psychologie expérimentale. Ils ont tous à peu près le même âge. Ils sont nés entre 44 et 48. Ils sont partis de la psychologie expérimentale. Et à un moment, ils ont fait la bascule vers la psychologie cognitive, qui c'est le bon investissement. Oui, mais ça, c'est normal. Mais ça, c'est très ces autres types de profils auxquels je faisais allusion, oui. Mais dans la mesure où il y a beaucoup de membres nommés dans ces institutions, et quand on lit les textes des programmes stratégiques et autres concernant les SHS, et on voit qu'il y a quand même une volonté de ceux qui écrivent ces programmes stratégiques, mais de décrire le comportement social sur des bases cognitives, etc., etc., c'est pas tellement étonnant. Moi, je me souviens quand il y avait les EPIPEX qui avaient été attribués, il y en avait un qui consistait à capter, en gros, le mouvement des yeux des visiteurs au mémorial de Caen pour retrouver un peu comment fonctionnait l'émotion face à... les représentables, enfin bon, je caricature parce que c'est loin, mais le projet lui-même était relativement caricatural, et c'était l'EPIPEX en SHS. Donc ça me semble aussi révélateur d'une vision de ce que pourraient être les savoirs sur la société, et qui passerait par ça. Tout à fait. Mais ça, bon, ce sont des commentaires sur lesquels, dans le contexte de cet exposé, je suis très, très réaliste, parce que, disons, c'est un travail sur les personnels, là. C'est pas un travail sur les contenus. Et je crois qu'il ne faut pas faire des... Mais bon, il va de soi que ça a ce type de conséquences, me semble-t-il. Bon, je crois qu'il faut qu'on arrête cette manière d'exposer. Oui. Est-ce que dans les gens, je ne me souviens plus, mais je crois bien, dans la base que tu as exploitée, il y a les gens qui ont participé à l'élaboration de la stratégie nationale de recherche et d'innovation en 2009, ou je ne sais plus. Oui, ils y sont. Et on les retrouve, et je sais pas, est-ce qu'on les retrouve dans l'ANR Dans l'ANR, au sens large, en SHS. Dans cette affaire-là, il y en a deux, je crois, de mémoire, qui apparaissent sur le graphe.